fait 10% pour 100%. 60 et 10% pour 100%. Chaud, radio, classable, le moins. Moins réduisable ou résumable. Bonjour, ici Réal V. Benoît, Claude R. Knight, qui accro tout comme vous. J'avoue, présentement, mon fantôme d'amour. Ça, c'est Patrick Swayze. Bonne écoute. Allô? On est à 70%. On a décidé en ce spécial de l'Halloween de briser toutes les barrières et on s'est entouré de Amy Winehouse ainsi que de Giz, de Andy, notre remplaçant préféré. On devrait être rejoint par Bruno très prochainement. Et on a une table de Ouija. Comment ne pas vivre le bonheur? On va donc essayer d'inviter des esprits à venir passer cet Halloween totalement magique avec nous. On sait que l'Halloween, c'est la fête de l'amour, du partage et du bonheur. Ouais. Et qu'il y a quelqu'un qui est mort pour que nous, on puisse vivre cette joie-là. Ouais, et donc, c'est en toute humilité et ensemble, en amis, qu'on va essayer de hein? Je sais pas. Peut-être que ça va répondre. Peut-être que ça va te faire une heure de TV vraiment plate. Ce qui est sûr, c'est que je doute de la deuxième phrase que je viens de dire. Fait que là-dessus, je vous invite à sortir votre appendice doyen préféré. Ce qu'on va faire, c'est, bien sûr, on fait le Ouija traditionnel. Il y en a qui jouent Texas Hold'em. Nous, on joue à Ouija traditionnel, c'est-à-dire on met un petit doigt dessus. Il faut frotter tout doucement, comme quand on frotte tout doucement une affaire ailleurs. Là. Et maintenant, le plaisir qui commence. On est en train de jouer à Ouija à 70%. Maman, je t'aime si jamais ça finit mal, cette histoire-là. Et voilà, on commence. Ça prend pas une question. Il faut se concentrer. À un moment donné, il faut que quelqu'un, sans le moindre orgueil possible, dise « Esprit, es-tu là? » Et ça, c'est pas facile. On va attendre un petit peu. On avait joué à radio dans le temps. Esprit. Es-tu là? Esprit, es-tu là? Are you there, spirit? Esprit. Es-tu là? Ça peut être long. Ça m'a pris 30 minutes la première fois qu'on a joué. L'esprit, il sait pas encore qu'on touche un shooter à l'envers sur une planche que j'ai achetée à 10$ dans un Joubec. Mais s'il y a des sceptiques, est-ce que ça peut ralentir? J'espère que non, parce que sinon, il se passera rien. T'es-tu en train de juste dire que c'est comme juste moi qui crois à ça? Non, moi, j'y crois. Ah, tu crois? Non, oui, tu crois-tu? Moi, je crois au shooter. Mais moi, je suis rouge, j'ai pas d'armes, fait que je devrais pas influencer. C'est vrai. C'est vrai qu'on a deux rouges, je comprends pas. Tu y touches pas, là, faut que tu y touches. Je le frôle. C'est ça. Légèrement. Ah, c'est peut-être ça, dans pour le fond. Pour créer des doutes. Ouais, ouais, tu dis genre t'aimes. Ok, il était là, toi. Ah, oui, c'est ça. Esprit. Tu l'as. Bill Paxton? Ouais. Lou Reed? Esprit? Es-tu là? Si t'attendais Bruno, Esprit, tu vas être content, il est là. Ah, c'est peut-être Bruno qui nous manque. Je sens une présence qui nous regarde. Hey les gars, qu'est-ce qui se passe? Salut Bruno! T'es tout en train de scraper à magie. Oh, on était en train de jouer à Ouija, on t'attendait. Ah, cool! Tu te rappelles, toi, t'étais là quand ça avait marché la première fois? Oui. Oui, oui. Puis qu'on avait eu un invité à 70% qui jouait à Magic, on était contents. La fois qu'on avait joué à Ouija. Allô? C'était à la radio à 70% oui. Sur les ondes de Choc FM. J'ai-tu payé pour ce pub-là? Ouais, j'ai comme roté. J'ai enlevé mon manteau, là. OK. Mets-toi à l'aise, là. C'est correct, on est toujours à cheval sur le FGSTU. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Et puis, ben, on vous a préparé quand même une émission spéciale. On va avoir une chronique de Mathieu aujourd'hui. On a aussi Bruno qui va nous lire quelques nouvelles. Et mieux que tout, c'est Ghost House, alias la Casa 3, la maison du cauchemar, qui est le film en visionnement ce soir. J'ai composé un super beau texte là-dessus. Mets-toi à l'aise, Bruno, faut que tu y touches. Et maintenant, là, hein? L'équipe est complète. On est des adultes, on sait dans quoi qu'on s'embarque. Ouais, ouais. Faut pas qu'on aille peur. Attends, je pognais dans mon fil. Mets-toi à l'aise. C'est important parce que l'esprit, il vient pas quand on n'est pas à l'aise. C'est vrai, non, c'est ça. Il sait qu'on n'est pas heureux. Il sait. Fait que là, c'est quoi qu'il faut faire? Faut demander, ah, esprit, tu l'as. Une fois de temps en temps, mais sans orgueil. Ouais, c'est bon. C'est pas facile. Esprit, tu l'as? Un peu vite. On va attendre, là. On fait pas de bruit pendant 2 minutes. Pensez à Janine Tito qui vieillit. Elle est pas morte, hein? Esprit, es-tu là? Esprit, va falloir t'arrives bien vite, sinon va falloir que quelqu'un triche. Non, c'est pas bon, ça. Chut, Bruno, va pas dire ça. Concentre-toi. Sinon, les esprits viennent pas. Non, ils aiment pas ça. Esprit, c'est... Excusez-moi. Esprit. Tu l'as fait partir, Guise. C'est comme le poisson, man. Ouais. Tu fasses attention. T'as le droit de boire la bière quand tu prends du poisson, tu sais. Quand tu joues à Ouija puis que tu bois de la bière en même temps, là, Est-ce que quand tu finis ta bière, tu peux la remplir d'eau puis la laisser couler dans le fond de la rivière? Ah non, ça c'est à la pêche, ça. Ouais, c'est à la pêche, c'est pas la même affaire. Hein? Non, mais j'ai pas compris. C'est pareil. Merci, Andy. C'est pareil. Mais je crois aux esprits, fait. Ça s'annule. Fermez les yeux, là, inspirez profondément. Pensez à Élise Marquis quand elle était sexy. Je sais pas c'est qui. Ça fait longtemps, tabarnak. La fille dans l'enfant forme. Pas Joël Legendre, l'autre fille. Non, c'était-tu pogné? C'est sûrement Roméo Pérus qui est en train de nous parler. On avait été joué aussi à 70% au vieux forum. Allez voir s'il y avait des esprits. Non, non, Mathieu, faut que tu y touches fort comme ça. Non, mais touché. Non, Mathieu, il touche pas. Il y a pas un. Je le vois. Ah non, mais c'est parce que c'est comme électrique, là, tu sais. Amy. Amy, ouais. On a invité Amy Winehouse. C'est juste moi qui pense à Kalima d'Indiana Jones. Wive. Ouais, définitivement. Ouais, je pense que oui. Tu veux que je te sauve de la cocaïne dans le trou de cake une paille? Ouais, oui, c'est ce que je préfère. No rehab, motherfucker. Ok, bien. T'as dit, là, comme ben il faut, là. On arrête de niaiser, là. C'est qui joue plus, là? On invite un c'est esprit. C'est l'esprit qui joue plus? Moi, c'est pas Sandy. Moi, je suis dedans. Ok, c'est bon. Parce que moi, c'est lui le meilleur, là. Moi, je... Ouais, mais c'est sûr, c'est la banque, donc, tout le temps. Ben oui. J'ai plus de cartes. Faut que je pige. Non, faut que tu cesses la banque. Amy... Ça, c'est la banque, Amy. Avec du Castlevania, si l'esprit vient pas, là. On abandonne? Non, jamais. Okay. Jamais! C'est parce qu'il est sexiste. Ah, c'est parce qu'il n'y a pas de filles autour de la table, après toi? Non, mais parce que c'est des filles qui composent les tunes dans Castlevania. C'est vrai. J'ai écouté un musicographique à un moment donné. Ah, ouais. Ça instruit. Ouais, hein. Il est mercredi à 9h. Bloque pas ton émission aux esprits. Je fais comme à la disque. La bullshit. Je fais comme à la disque hier. Ok. Ce serait le fun de parler à Lou Reed. Lou Reed, es-tu là? Il doit essayer, t'occuper, là, gars. C'est sûr qu'il faut qu'il puisse venir. Il vient de mourir, là. Lui, en tout cas. Ouais. Qu'est-ce que tu pensais du gala de la disque hier, Lou Reed? Oh, c'était là. Oh. C'est qu'on fait du catching up. Ça a bougé? Ça a-tu bougé pour vrai? Ok. Ouais. On inspire. Fermez les yeux, là. Abandonnez-vous au jeu à 10$ que j'ai acheté dans le cœur. Non, mais moi, c'est parce que je vais vous la dire, là, ma théorie, là. Je pense qu'on est trop à bout de bras pour que ça marche. Ouais, c'est vrai, ça. Pas moi, on avait joué de même. Ouais, ouais mais notre énergie à nous autres... Écoutez-moi, je... Hein? Been there, done that. Approche-toi, Bruno, si tu veux. Donc, à 70% de peur de rien, on change de position, on joue à Ouija. On est 70% d'octobre. Trame sonore spéciale, gracieuseté Étienne Forêt. Ça n'a rien à voir avec nous autres. C'est nous autres qui a fait ça. C'est un esprit indécis. Au pire. Mais ouais, n'importe quoi. Je suis pas obligé d'avoir un fantôme de quoi de niveau 12. Ouais. Non, mais quelque chose qui. Limite, s'il veut pas faire bouger le verre à shooter, qu'il pitch un micro ou quelque chose. Ouais. Hey, ça vient de bouger. Oh, si, ouais. Esprit, es-tu là? J'entends les esprits dans le salon. Hey, fermez la porte! Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est... La distraction. Faites peur aux esprits. Aucun respect. Aucun. On s'excuse aux esprits. Peut-être que tu peux faire ta chronique. Ah ben ouais, peut-être. Ça va recycler. Nous autres, on va continuer à réchauffer l'esprit. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs, c'est... Amy Winehouse. Ben oui, hein. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais aller préparer mes nouvelles. OK. Ben, tu sais, Tommy, hein, cette semaine, j'ai fait du bénévolat, hein? Je t'écoute. Ben, ils appellent ça des travaux communautaires, là. Ben, bon, t'es pas payé, fait que bénévolat. J'ai été donné à souper à des gens, des personnes âgées. C'est une belle expérience, là, un grand ressourcement, là. Puis après ça, ben, ils ont sorti le gramophone, puis on a dansé, t'sais? Moi, je me suis ramassé avec la petite Yvette, t'sais, toute maigre, puis un cheveu sur la tête, tellement ridée que tu sais pas si elle sourit ou qu'elle lève les sourcils, tu sais. Puis ben moi, je pense qu'elle me trouvait de mon goût, là, de son goût, elle me lançait des phrases assassines, là, genre « Creuse en moi, découvre mes trésors oubliés », tu sais. À un moment donné, j'y ai dit, tu sais, c'est pas que vous êtes pas de mon goût, mais moi, je suis pas archéologue. Elle devait avoir proche de 2000 ans, tu sais. Sinon, ben tu le sais, hein, regarde, c'est l'Halloween, là, qui frappe à nos portes, hein. Mon fils, il est fou comme un balai. Puis moi, tu sais comment est-ce que les enfants énervés, ça me ment maudit. Il courait partout dans la maison en criant « Je suis un électron, je suis un électron ». Fait que j'en ai profité pour lui donner un petit exemple de fissure nucléaire. Je me disais, tu sais, tant qu'à triper sa science, c'est aussi bien prendre de l'expérience. Puis comme tu vois, ben, je suis déguisé en Amy Winehouse. Puis ben, mon fils, il va être en Lady Gaga. Hein? On savait pas trop comment on voulait se déguiser, fait qu'on a trouvé un petit truc, là, tu sais, tu mets plein de mots dans un chapeau pis tu tires au hasard. Comme nous autres, là, cette année, on a pigé pute pis morte. Ça aurait pu être n'importe quoi, là, tu sais. Tu vois, à ce blague-là, je voulais mettre Marimé, mais au Québec, on n'a pas le droit. Sinon, ben, j'ai des petites suggestions de costumes, tu sais, parce qu'on est relax, là, tu sais. Pour les gars, c'est pas compliqué, ça te prend un litre de lave-glace, un couteau ensanglanté, puis deux petits cœurs d'enfant. Ah, sac! En cardiologue, psychopathe. Là, tu passes ta soirée à dire à tout le monde que tout va bien, que tu te sens très épanoui, puis que tu devras avoir ton congé de l'asile, là, bientôt. Oui. Too soon. Tu as dit à ta mère de regarder, c'était pas trash. Ah ouais, c'est pas ça. Puis pour les filles, hein, ben, n'importe quoi, là, pourvu que ça soit sexy, on parle d'infirmière, de secrétaire, de professeur ou de femen. Poisson rouge. Voilà. De femen. Ah ben sinon, pour les écolos, hein, en compost. Ah. Hein, c'est une belle idée, tu sais. Pour les handicapés, hein, en Lise Thibault. Non, en Lise Thibault, c'est facile, ça te prend deux choses, hein. Une chaise roulante puis une carte de crédit. Puis de l'attitude. Une attitude de merde aussi. Ah, ça, c'est pas moi qui le disais. Tu vois, moi, là, jamais je vais dénigrer quelqu'un. Pour les nostalgiques, pour les nostalgiques, on peut y aller avec un prêtre ou Bon Jovi. Hein? Ça fait longtemps qu'il a pas sorti de quoi, Bon Jovi. pour les mélomanes, là, m'arrimer, hein? Ouais. Ça. Puis ça, mais ça, c'est vraiment difficile là, de garder le personnage toute la soirée. Il faut que tu commences toutes tes phrases par moi, je. Puis sérieux, là, c'est pas donné à tout le monde. Moi, j'aurais de la misère. Ouais. Moi aussi. Moi, j'ai beaucoup de misère avec ça. Qui dit Halloween, hein, Tommy, dit inévitablement glucose, fructose, hein? Oui. Ouais. Quand t'achètes des bonbons, t'achètes les meilleurs. C'est la fête du maïs. Ouais. Les chips, le chocolat, les suçons. T'oublies les raisins secs, les asties de roquettes puis les fruits, t'sais. Mais surtout les fruits, parce qu'au pire, là, les roquettes, c'est une monnaie d'échange, t'sais, pour ceux qui n'ont pas compris. T'oublies les fruits, à moins d'y mettre une lame ou un aiguille. Quelque chose, t'sais, n'importe quoi qui peut endommager la bouche, parce qu'on le dira jamais assez, hein, l'Halloween reste une source indéniable de revenus pour les dentistes du monde entier. Ça, c'est sûr. Faudrait pas changer les traditions, Tommy. C'est les poissons à cannelle, je trouvais que ça goûtait à la religion. Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai, ça. C'est tout le temps ce qui restait à la fin. Mm. Ben, les prêtres mangent beaucoup de cannelle, puis ça paraît, ça, quand tu manges beaucoup de cannelle dans le sperme. Hein? Je le sais. Non, c'est pour dire, en tout cas. En terminant, tu sais que l'Halloween, c'est aussi synonyme de film d'horreur, hein? Tu connais ça, le film Léolo? Il y a une scène hein, qui revient 2-3 fois dans le film là, où c'est Ginette Renault assise sur une toilette qui dit à son fils de 2 ans, assis en avant d'elle sur son petit pot, « Ah ouais, Léo, fais comme maman, là, pousse! » Tu sais, puis malaise, là, tu sais, pour vrai, malaise. Pis, mais le summum, c'est un travelling avant entre les cuisses de la Ginette, tu sais. Quand t'as dit ça, « Ah ouais, pousse! » Puis là, ça avance, puis là, pff, comme un trou sans fond. Aïe, aïe, Tommy... Ça fait 1 an que mes yeux ont vu ça, exactement. Oh Chris, boy. J'ai rien vu d'autre depuis ce temps-là. C'était marquant. Voilà. Elle voulait vraiment aussi, en plus. Ah oui, mais il faut y apprendre les belles affaires à ce petit garçon-là. Hey, c'est un bon film. Écoutez ça en famille. Merci, Mathieu. Ça m'a fait plaisir. Ça vient d'aider l'esprit aussi à se sentir un petit peu plus à l'aise. Je pense que oui, tu sais. Hein, on va se ressourcer encore une fois. Ouais. On inspire profondément. On devient influençable. On expire doucement. Ah ouais, esprit, là. Il y a Marie en France qui nous regarde, là. Il faut pas la décevoir. Esprit, es-tu là? Ça, il n'est pas brisé ton jeu. C'est pas supposé. Non, là, on s'en est servi l'autre fois, ça a marché. Ouais. Assez épeuramment en plus. On était 3 là. Puis... Mais le fait de pas avoir la plaquette, là, ça, non, ça, c'est pas grave. Ça change rien. Peut-être ça, psychologie inverse. Ouais. Esprit, t'es-tu parti? Esprit, je le sais que t'es pas là. Quand est-ce que tu t'en vas, là? T'es tanné de te voir. La visite d'esprit, ça fait plaisir 2 fois, hein? Ben oui. Ça arrive, puis quand ça part. Toi, puis t'es FGSTU. Ben, Ben, YOLO, is. Ok, c'est lui. Ah, ok, donc, il est peut-être dyslexique aussi, là, on sait pas, tu sais. Peut-être que c'est un vieil esprit qui, oh, qui savait pas. Toucher, là. Oh, touche. Monsieur Poto. Ça semble bouger. C'est-tu votre première fois pour vrai, ça? Non. Non, moi, j'ai fait ça quand j'avais 12-13 ans, puis on avait dit « Donne-nous un signe. » Puis le lendemain matin, on avait toute une barre sur la jambe, comme une graphine, sur la cuisse, les quatre qu'on avait fait ça. Pour vrai? Ouais, ouais. Ouais. Pour vrai. C'est une histoire vraie, ça. À cet âge-là, on a toutes des graphines partout parce qu'on joue au parc. Oui. Moi, ouais, j'ai... Le mystère s'est baissé. Ben non, ben c'est comme ça que c'est arrivé pour vrai, tu sais. Puis on avait eu peur dans le temps. Là, je me rappelle, il y avait une petite fille qui avait pleuré, puis tu sais. On aurait dû l'amener, hein, la valeur influençable. J'ai déjà été possédé. Ouais. T'as déjà été possédé, ouais. Ça a l'air que je suis sorti dans la salle de bain, je me rappelle pas de ça. Je suis revenu, je me suis assis, j'ai regardé tout le monde qui était autour. J'avais des barres bleues, ça a l'air ici. Puis je suis tombé, puis je suis relevé. Fait que tout le monde a tellement capoté qu'on a cassé la planche en quatre. Calme. Puis on l'a séparé dans notre... Ouais. La dernière fois qu'on a joué, on a fait des recherches. Puis la seule vraie manière de détruire une planche de Ouija, c'est de la briser en sept morceaux, d'aller enterrer les sept morceaux dans des endroits différents et de faire un « Je vous salue Marie » à chaque fois que tu m'entends. Merde. J'ai juste fait quatre fois. Ouais. C'est pour ça. Ça va pas bien dans mes deux. C'est sûrement. Sûrement, c'est sûr. C'est une curse, hein? Ça, tu peux pas t'en sortir, non, ben, à moins d'avoir une potion, là. Des pieds ou avoir des indulgences. Pas mal de recherches, là. Moi, puis Israël, en 2008, quand on a eu un trip, là. Joué à radio, puis tout, là. Ça avait marché. On t'a pas oublié, esprit, es-tu là? Come on, là. Peut-être qu'on a deux lignes, je sais pas. C'est Wi-Fi, à cette heure, tout ça, hein? C'est. Possible. Ça arrive sur... Je viens de l'entendre. Ça se peut. C'est peut-être parce qu'il aime pas le HD, l'esprit. Ah, mais le green screen est tellement mal arrangé en ce moment que... ça ressemble un peu. Je pense qu'il se sent à l'aise. Ouais, ouais. Je sais pas si vous le voyez à la maison, peut-être qu'avec les ondes de la caméra, là... Ça semble vouloir bouger, par contre. Il est peut-être juste timide. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de la table qui ne croit pas encore. Ouais, je sais pas. On va prendre une petite pause, ouais. Je vais en profiter pour vous raconter une histoire, moi, parce que, tu sais, moi, les affaires de fantômes et tout ça, ça me fait vraiment triper depuis longtemps. Puis à toutes les fois que je voyage, ben j'en profite pour demander aux personnes que je rencontre, ça fait tout le temps une discussion pas mal de fun, s'ils ont des expériences de fantômes ou s'il y a des lieux hantés dans les endroits où je voyage. Et puis mon premier voyage que j'ai fait en France, je suis arrivé le 10 septembre 2001. En fait, le 11 septembre 2001, à 8h, on débarquait à Nantes. Oh. Fait que là, bon, on a comme, tu sais, c'est arrivé, d'Amérique, parce qu'on marchait, puis là, on a appris, on a marché pendant 3 heures, puis là, on a appris qu'il y avait des tours qui étaient tombés quelque part, tu sais. Là, ça, c'est un moment charnière, hein, dans notre histoire. Il y a tout a changé, et puis, ben, il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées dans ce voyage-là, que je leur demandais s'il y avait des expériences de fantômes et tout, puis... Il y en a vraiment eu pas tant que ça, parce que moi, je m'attendais, tu sais, je m'en vais en France, c'est les vieux pays, il y a des vieux châteaux, ce genre d'affaires-là. Mais, par contre, j'ai rencontré deux places qui m'ont dit « Oui, la maison qui est là est hantée. » Puis elle était abandonnée, tu sais. Et les deux fois, j'ai dit à mes compagnons de voyage « Ben, moi, je vais aller dormir tout seul dans la maison. » Et ça m'est arrivé donc deux fois d'aller passer des nuits tout seul dans une maison hantée. Là, je devais avoir 21, 23 ans, là, avec moi, en France, dans ce temps-là. Ouais, ouais. À fond, la caisse. Mais j'avais ma machotte, j'avais amené ma machotte dans ce temps-là. Oui. Ouais, ouais, parce que je savais pas qu'en France, il n'y avait plus aucune région sauvage. Genre, j'avais ma machotte puis ma boussole, comme quand je me promenais dans le bois en Abitibi. Tu sais, puis... Mais bon, là, je suis allé dormir dans la maison hantée. Et la première fois, ça a été la pire nuit de ma vie. Parce qu'à un moment donné, ton cerveau, il commence à... Tu sais, il y a une affaire qui bouge. Je sais pas s'il y a une affaire qui a bougé. Ah oui. Mais tout d'un coup, ça devient, tu sais... Puis moi, je suis un gars, j'ai tout le temps été en pleine forme, genre, sauf depuis 2 ans. Et puis, j'ai jamais eu peur d'un autre être humain. Tu sais, mais mettons, moi j'ai peur, là. C'est pas, oh, il y a un monsieur qui va venir me violer, mettons. T'sais, j'ai pas ouais. jamais eu cette peur-là. Ça finit tout le temps par des fantômes de petites filles, genre des affaires de même. T'sais, tu penses à des démons, puis ça a jamais rapport. Là, ça a rapport avec ce que j'ai pu lire quand j'étais plus petit. Et donc, la première nuit que j'ai passée, ça a été la pire de toute ma vie. Pas capable de dormir, t'entends une petite affaire, puis tout. Puis le lendemain, je me suis rendu compte qu'il y avait une souris dans un coin, genre. Ah. Pis... Fait que. Les pouvoirs de l'esprit, j'aimais bien ça, jouer avec ça. J'aimais donc bien ça me tester et je me suis bien sûr promis. Hein, j'ai à peu près pas dormi ou je me rappelle pas avoir dormi. Là, t'as comme, t'es tout seul, t'as peur, tu te dis voyons, Chris, je vais m'en aller, mais là mais tes oui, amis vont rire de toi. Ouais. L'orgueil. Bon, non, en même temps, je voulais le dire, je voulais le faire. Là, parce que, pas parce que j'avais peur de me planter, parce que me planter, ça m'arrive assez souvent, puis ça m'est encore arrivé, mais parce que je voulais dire que je l'ai fait. J'aurais pas pu le raconter là demain. Et donc, là, je me suis dit, ça réarrivera plus jamais. Puis même pas une semaine après, on voyageait sur le pouce. J'ai trouvé une autre place qui me disait, ah, oh, cette maison-là est tentée, ah ouais, c'est sûr. Puis la première fois, j'avais demandé, c'est quoi le fantôme dedans, tu sais? Fait que là, il m'avait dit, c'est ça, il y a une madame qui avait perdu son enfant, puis qui s'était suicidée après. Puis, fait que là, tu sais, ça m'a comme carburé le. Bon, ça a comme donné une image à ce que j'allais chercher. Fait que la deuxième fois, je me suis dit, je leur demanderai pas c'est quoi le fantôme qu'il y a dans cette maison-là. Et puis, pendant la nuit, à un moment donné, j'ai entendu une petite fille pleurer. Je suis sûr et certain que c'était une petite fille qui pleurait, sauf que c'était sûr que c'était pas ça, là, je veux dire, j'irai pas devant un tribunal pis dire j'ai entendu une petite fille qui pleurait, là, c'est pas ça que je veux dire, là. Je veux dire que mon cerveau a décidé de me faire un tour en crise, et puis le lendemain, j'ai demandé aux personnes qui m'avaient dit c'est quoi le fantôme qu'il y a là-dedans. Et puis ils ont dit oui, effectivement, il y a une petite fille des fois que le monde entend pleurer puis tout. Pis... Ah ouais. Waouh, là j'ai trouvé ça weird en esti. Puis là j'en parle, j'ai encore des frissons. Mais bon, j'ai passé une autre nuit de scrap, mais comme moins pire que la première fois. Fait qu'amène-les des fantômes. Moi, c'est une des affaires que je veux le plus voir au monde. Mais en même temps, c'est sûr, je vais me vider boyau dessus. Là, tu sais, ça va. Peur. Sexy. Ah, fait que la mort, c'est pas si simple que ça, finalement. Ah, OK, on s'en va pas directement à quelque part. Là. Donc, Bruno, peut-être qu'il termine tranquillement ses nouvelles. Ce qui est sûr, c'est que nous, on vient d'une petite anecdote de fantôme, Guiz. Non. Non. T'as jamais eu de fantôme? Tu crois pas en ça? Toi, c'est... Moi, je suis toujours, à chaque fois qu'il y a une affaire de même, je cherche qu'est-ce que la science peut faire pour dire que c'était pas vrai. Là. Ouais. Exactement comme le pape. Non. Non, c'est vrai, le pape, il y a une équipe de monde qui font ça. Ouais. Mais pas la religion, aimez-moi je. Aimez-moi je. Toi, Andy? Ah, t'as été possédé? J'en ai rencontré une, là, mais ouais. Puis toi, Amanda Whitehouse? Ben, moi, c'est ça, là, l'histoire des petites graphines, ça a cuisse, là. C'est vraiment arrivé. Ça a-tu guéri? Ouais, c'était comme une graphine là, normale, là, mais peut-être un 10-15 cm, là, tu sais. Puis on l'avait toutes. À la même place. Ah, oui, là, vous êtes en train de dire que je suis une minorité visible. Ouais, ben tu sais, il y a certaines expériences de fantômes. Ben là, t'es en train d'en parler. Il y a certaines théories là, qui disent que ça fait partie de l'évolution et que certaines personnes n'ont pas encore évolué. Ah ouais. Hey, traite-moi pas de Pokémon. Ben non, c'est peut-être toi qui as évolué. Ouais, c'est ça, nous autres. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. T'sais, peut-être que c'est juste. On peut te traiter de roux qui a pas d'âme, mais pas de pas évoluer, là. Guiz, il sait plus. Il me reste deux bières, je sais pas à qui je vais donner. Ben, Amy, en tout cas, va coucher avec toi, ça y arrive. Tu vois, il y a plus de boules en plus. No rehab. Bon, c'est quoi qu'elle chantait? C'est la même affaire, je sais pas qu'est-ce qu'elle chantait, Amy. Moi, je suis dans l'image. Ouais, qui chantait. Bon, ben, j'en profite pour remercier Caroline à la caméra et Guylain à la technique, qui a l'air de s'amuser sur Facebook follement. Tu parles à nos fans, hein? Si on pogne des questions pour les esprits. Faudrait recommencer, là. On n'a jamais vraiment abandonné. On est en train de. Hein? Esprit, calistre. Ben, c'est pour lui faire comprendre qu'on y croit. Peut-être c'est qu'on ça. Peut se secouer une main et mettre l'autre, je sais pas. C'est bon, j'aime peut-être. Ça. Ouais, okay. Non, mais moi, je suis plus à l'aise avec elle. Ah ouais. Moi, je suis droitier quand j'invoque les esprits. Je vais mettre les deux bières là, peut-être qu'il y a des esprits. Ah, c'est bon, il y en a une pour l'esprit. Ils font ça, les bouddhistes. Un célèbre qui est mort, hein, quelque chose. Les deux autres pour moi. La France. Le Spirit Beer. Puis là, ben c'est ça, il faut toucher à peu près comme ça. Là. Bien fort comme ça. Là. Oh, wow. Oh. Puis si tu le lâches, l'esprit est déçu. On ouais. perd des points. Faut pas lâcher. Ça prend combien d'XP avant qu'il arrive? Faut juste y croire. Esprit. Es-tu là? Hey, parlez pas trop fort dans le salon, là, on attend l'esprit. Oh. Esprit, es-tu là? ...70%. Un show différent. Beaucoup de turbulences à côté, je sais pas ça. S'il faisait toutes des prières, ça irait-tu mieux d'après toi? Lou Reed. Peut-être une grève. Ouais, c'est... Ils sont peut-être dans le lockout, je sais pas. Tu sais, l'Halloween approche. Puis... Ouais. Y a-t-il une émission à ça? Je sais pas. Genre, Occupation double, ça joue-t-il lundi? Non. Hein? J'en veux dire, ils sont pris ailleurs. Ben, Occupation genre, double, il y a deux fantômes par maison. Une game du Canadien. Ils sont peut-être en train d'écouter de quoi? Hein? Il y a beaucoup de blessés chez les Canadiens, ça se peut. Ah, peut-être, ouais, c'est ça. C'était-tu avec un match contre les Devils? Non, c'est contre au Madison Square Garden. Ah. Après avoir investi 1 milliard dans leur amphithéâtre pour y retourner à New York, c'est important. Ben oui, c'est important. Les traditions. Ben oui. Tu pourrais en bâtir un pour moins cher que ça. Mais mieux réparer le vieux pour le double du prix. Les vraies valeurs. C'est comme le Madison Cube Garden là, dans Futurama. Ils sont passés à l'autre étape. C'est drôle, Futurama. Ouais. Futurama, es-tu là? C'est vrai, c'est mort. Hein? Ben, c'est sûr, ça va mourir. Futurama? Oh. Juste d'invoquer le... Futurama, hein? Ouais, ça a bougé un peu. Maud Flanders, es-tu là? Patrick Swayze. Es-tu là? Pourquoi tu ris? Je l'aimais, moi. Ouais, j'avoue. Ah, il faisait bord routier. Excellent. Le... Dignité de Jean Leloup. Es-tu là? Ben écoute. Il l'a pas brûlé avec sa guitare, ça. C'est ça. Je sais pas pourquoi ils appellent ça jouer à Ouija. Ou c'est plus comme subir Ouija tranquillement. Oui, jamais je rejouerai à ça. Esprit, il reste une bière. Fait que c'est ça. Là, sinon, je pense que Mathieu va sauter dessus. Hey! Ou Tommy. Ou non, non, Mathieu. Mathieu, il est Amy. Amy est plus drôle quand elle est seule. Sinon, elle est mal commode. Aïe, aïe, aïe. Bruno, moi je dis qu'il manque Bruno parce que quand il était là la dernière fois, ça avait marché. Ouais, ben, je vais aller chercher. La dernière fois, j'avais amené mon gilet ici des Nordiques que j'ai sur mon dos. C'est le gilet numéro 44, le gilet d'entraînement de John Cordick. Ouais. Et John Cordick est décédé de, depuis quand même presque 20 ans, là, peut-être même plus. Et ben, j'avais amené comme un artefact qui avait appartenu à un décédé. On l'avait mis à côté de la table et tout. Et on avait demandé, en fait, ça avait marché. Et puis. Là, j'étais très content d'avoir John Cordick. Ben oui, t'sais, ben, j'ai demandé, esprit, t'sais, qui es-tu? Puis là, il est allé sur le 4. Puis là, d'habitude, t'sais, il va à quelque part. Là, tu le ramènes comme au milieu. Puis là, il est retourné sur le 4. 44. Puis là, ben, 44, on s'est dit, OK, t'es John Cordick. Puis là, il est allé vers le K. Puis après ça, il est allé à oui, vite, vite. Fait que là, on s'est dit, OK, ben ça veut dire que c'est John Cordick. Puis là, j'ai dit, esprit, joues-tu à Magic? Et l'esprit était allé tout de suite à oui. L'esprit joue à Magic. J'étais très content. C'était le premier invité qu'on avait eu à 70% qui jouait à Magic. Pas comme si je l'avais pas demandé à plusieurs personnes. Hein. Ben non, mais c'est ça, tu sais. Bruno, il fait dire. Il a peur. Bruno, il a peur. Il veut pas revenir jouer à Ouija. Colin. Bon, ben, il nous reste encore 10 minutes. Ben, tu gagnes une joke? Une petite expérience. On peut réessayer, là, je veux dire. Hey, mais c'est-tu vrai que Lou Reed est mort finalement? Ouais, c'est vrai. Contrairement au couple de Guillaume le Métis Vierge et de Marie Louvo. Le journal de Montréal Bruno, en a parlé. Bruno, t'amènes tes nouvelles? Ouais. Oh, yeah. Ok. Fait que t'as pas peur. Ben, fais tes nouvelles pendant ce temps-là, on va se ressourcer, nous. C'est bon. Bruno, aux nouvelles, peut-être tu peux aller en avant du ouais, voilà, on est parfait avec ça. Tu es correct demain? Wow, oui, ça va bien. Pendant ce temps-là, nous, on se. Hein? On focus, on n'est pas là pour. Ouais. On est là pour 70%, une émission qui dépasse les limites. Bruno Corvin aux nouvelles. Bruno Corvin aux nouvelles. Les sceptiques ne seront pas déçus. C'est bon, alors j'ai deux nouvelles parce que j'ai pas eu le temps de faire ça aujourd'hui. J'aime ça quand tu te justifies. Voilà. Alors, veux-tu que je te dise pourquoi j'ai pas eu le temps? Oh yes, ultimate justification. Ah oui, mais entre les deux nouvelles. Ok, c'est bon. Les deux nouvelles. Alors, Walter Sirpitt regardait la télé avec 5 autres adultes et 2 enfants quand le feu a pogné. Sirpitt a pris sa canne et a fui la scène avec le reste des occupants, mais quelque chose l'a poussé à revenir. Étant un alcoolique, affirme-t-il, je suis retourné chercher ma bière. Ben, je... La porte s'est refermée derrière lui et il était prisonnier. Il a été sauvé par le service de pompiers de la ville et a peut-être appris de ses erreurs. A peut-être partagé sa bière après. Ouais. L'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. Elle devait être chaude. Oui, je l'aime le moment où il était comme prisonnier du feu puis il s'est dit oh fuck it. Je suis serein. Entre les deux nouvelles, êtes-vous au courant que c'est la foire de l'absurde qui s'en vient du 22 au 25 novembre? Le fantôme va oui. Le fantôme va oui. Oh! Le fantôme est au courant. Il y aura plein de choses qui sont toutes écrites dans un communiqué de presse que j'ai écrit aujourd'hui. Oui, c'est vrai, il y avait des bold à un moment donné. Là. T'as pris le temps de souligner des affaires. J'ai fait de la mise en page et tout. Là. Ah, ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps de faire mes nouvelles. Alors, continuons en nouvelles. Un groupe de chasseurs de Dallas mettront aux enchères un permis de chasse pour chasser un rhinocéros en voie de disparition afin de ramasser des fonds pour sauver un rhinocéros en voie de disparition. Ils vont en tuer un pour en sauver un autre? Je sais pas. Ben, mais c'est de pas, plus en plus ça. C'est qu'ils tuent les mâles, mais en même temps, ça lui fait beaucoup d'argent pour pouvoir faire des réserves et protéger ça pour vrai. Ben, alors, c'est un peu comme tuer des humains chez un algorithme pharma pour en sauver d'autres. C'est ça. Ouais, c'est ça. Un peu ça. Donc, la Nambie donne droit de tuer 5 rhinocéros noirs par année et le club de chasse de Dallas a gagné le droit d'en tuer un cette année. On estime que le permis est recherché entre 250 000 $ et 1 million qui sera donné à une œuvre de charité de sauver le rhinocéros qu'on s'en va tuer. Et voilà, mais j'ai vu un documentaire là-dessus pour vrai que le monde, les responsables des réserves fauniques disaient que c'était la seule manière d'obtenir du financement pour aider à les sauver pour vrai. On pourrait les mettre en otage aussi puis essayer d'avoir de l'argent du monde qui veulent vraiment les sauver. Ben ouais, si vous nous donnez pas de l'argent, on les tue. Merci Bruno. Fait que là, tu reviens avec toute ta spiritualité. Là, toi, t'as-tu une histoire de fantôme à nous conter? On a parlé, nous autres, de Guiz était vraiment épeurant de la sienne. Ouais, moi, j'ai une vraie histoire. Il m'est arrivé une couple de fois des affaires de, tu sais, c'est la nuit, puis j'ai l'impression de voir quelque chose, mais je le sais avec le recul maintenant que c'était juste mon imagination, c'est ça. Mais il y a une affaire qui m'est arrivée une fois, par exemple. Regarde la caméra droite dans les yeux. Très, très, très étrange. J'étais couché dans mon lit avec ma blonde. On avait décidé de faire une sieste d'après-midi. Puis on était bien traîneux dans ce temps-là. Puis on avait laissé traîner un bol de café au lait par terre dans la chambre, au centre de la chambre, puis à une bonne distance, une bonne distance que je pouvais toucher avec mes mains ou quoi que ce soit. Ouais. On ferme les lumières, on se couche, on sieste pendant 45 minutes à peu près. On se réveille, on ouvre les yeux, on ouvre la lumière, et puis il y avait le bol de café qui était au même endroit, puis c'est comme si quelqu'un l'avait pris, puis l'avait fait. Le café tournait dans le bol de café. Le café tournait dans le bol de café comme si quelqu'un l'avait fait spinner comme ça puis l'avait déposé par terre. Puis personne s'était levé, personne, il y avait personne qui était rentré dans la chambre, c'est très très étrange. Il y avait quand pas des éclats de café. Non. Quand tu fais l'amour, quelle sorte de coup de bassin tu donnes? Mais on faisait pas l'amour. Non, c'est ça, c'est une sieste. On dormait. OK, une sieste. Oui, moi quand je si j'avais voulu dire qu'on était en train de fourrer Guiz, j'aurais dit qu'on était en train de fourrer. Okay. On n'était pas en train. Ma mère écoute, on allait aussi. C'est vrai qu'il est comme ça. Si j'avais dit dire qu'on était en train de faire l'amour Guiz, j'aurais dit qu'on était en train de faire l'amour. S'aimer avec des gestes. Bon ben OK les gars, là il nous reste à peu près 6 minutes. Esprit, il te reste à peu près hein. C'est le temps, là. C'est fait ça, que... là. Non, on donne tout ce qu'on a. On n'en laisse pas un seul passer. Tout le monde nous regarde, là. Esprit, tu n'as... Il semble qu'on n'entend plus la trame sonore. C'est vrai. Et je sais, Amy. Ah, voilà. Peut-être qu'on devrait mettre du Amy Winehouse. Peut-être pour aider. Je pourrais devenir comme une espèce de vecteur. Oh, ça bouge. On n'a même pas posé de questions, ça bouge. C'est ça le problème, on a posé plein de questions, on n'a pas attendu. Peut-être qu'il va répondre random à une. Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être qu'il y a le lag du. Peut-être qu'il nous regarde sur Douto TV, puis il y a le lag de quelques secondes, puis il est tout mélangé. Ça se peut que ça soit ça. Esprit.enter. Es-tu là? Enter. Est-ce que je peux te poser une question? Enter. Et plus petit que. Est-ce que ça me tente plus? Ah, okay, ça me... ah ouais. C'est pour l'esprit que je fais ça. Mais j'espère. On est comme Jean-Marc Parent. S'il faut qu'on déborde, on va déborder. Ben oui. Jusqu'à temps que ça marche. ça bouge plus. Hein. Bruno, il est en forme. Hein. Ouais, Bruno, pas, il est bon. Il manque peut-être de bougies aussi. C'est un mythe, ça. Ouais, c'est un mythe, les bougies. Ouais, je pense que ça manque de filles de 12 ans. C'est ça, ouais, ça manque de filles. Ça, hein. C'est ça. ou quelqu'un qui triche. Ouais. Personne triche. Personne qui triche jamais. Non, je suis pas reconnu non, comme étant un tricheur. Ouais, c'est non, ça. C'est ça. Homme de peu de foi. Ça bouge quand on rit, tu sais. Oh, oh, ça a bougé! Oh, oh, oh, oh. Donc, la preuve est faite, on vient de l'appuyer avec des actions et tout le reste. Ça ne fonctionne pas, Ouija. Comment ça se fait? Ben, j'ai vu dans Penn and Teller, à un moment donné, ils font ça, puis là, ils pognent la gang de trois gothiques qui sont habillés avec du mascara tout le temps, puis... Là, ils virent la plage à l'envers pendant qu'eux autres, ils ont les yeux fermés, puis tu sais, ils font ça. Ah ouais, ouais. Fait que là, eux autres, dans leur tête, ils ont l'impression que ça aurait pas, mais tu sais, ça fait n'importe quoi. Là. Sa planche est à l'envers. On vous conseille fortement d'essayer ça à la maison, Ouija. En famille, hein? En famille, ouais. À Noël. Avec les chandelles. C'est Noël qui s'en vient. D'ailleurs, on passe le dernier rempart contre Noël. On va. Ouais, la digue, genre. Moi, j'appelle ça le barrage, là, l'Halloween. C'est pas le Thanksgiving américain. C'est pareil. Oh, OK. Ben, en fait, c'est passé. Ben, là, c'est plus Thanksgiving, c'est rendu le Black Monday. Ça existe plus Thanksgiving, c'est Black Monday. Ah, okay. Ouais, c'est ça. C'est ce qui fête. Donc. Il y a des dingues pareilles dans l'histoire. Oh, ouais. On colle-tu l'émission qui arrive au bout? On va s'en aller au bois, manger le reste. Ouais. Ben, on s'excuse aux gens du bois, ça n'a pas marché. On était plein de cyniques autour de la table. Imagine l'esprit, il aurait eu du bon temps avec nous. Il y a quelqu'un qui a pensé à sacrifier une poule là-bas? Oui, mais on l'a fait pour installer Skype sur mon ordi tantôt. Là, on a comme passé ça pour un autre. Donc, au nom de Caroline à la caméra, Guylain à la technique, Bruno ici qui est là, on a Mathieu aussi de ce bord-là. Continue à faire ça, Andy, Giz, merci beaucoup. Ouais. Continue à jouer ça, je vais avoir ça comme background. On va écouter une chanson, c'est l'excellente, voyons comment ça s'appelle, le Pet Cemetery. Des Ramones pour faire thématique. Puis on revient, je vais vous parler ensuite du film de ce soir, l'excellent La Maison du Cauchemar à 70% sur douteux.tv. La télé des délaissés de l'Halloween avant Noël. C'est peut-être la planche dans le fond qui est brisée. Hey, t'es brisée. Elle a marché. T'as-tu mis des batteries? To the sacred place. This ain't a dream I can't escape. Molders and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries for being right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. To live my life again. I don't wanna be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. Sudden, I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a bed cemetery.